Aurélien Scholl, tableau vivant, recueil de poèmes. L'honneur, qu'est-ce que c'est que ça? Martin, le plus beau Martin, fils du maréchal Ferrand de Blanquefort, fut le plus grand coureur de filles de tout le pays. À 20 ans, il pouvait rire au nez de tous les maris, de Pébois à Saint-Médard. Il connaissait leur bonheur pour en avoir tâté. Les mères le désignaient à leurs filles comme un être dangereux, abominable, dont le contact était une souillure. Aussi ne s'en trouva-t-il guère dont la curiosité ne s'allumât. Irrésistible. Ses petites têtes se mettent facilement à l'envers, et quand Martin battait le fer rouge, la poitrine et les bras nus, les fillettes s'arrêtaient devant l'atelier à la baie largement ouverte, et les yeux brillants, le corsage en ébullition, lançaient quelques phrases en l'air pour attirer l'attention du coq de village. « Cela va bien aujourd'hui, monsieur Martin ?»« C'est toi, seconde. Je ne te reconnaissais pas. Sais-tu que tu embellis tous les jours ?» Seconde devenait rouge comme une cerise. « Vous voulez rire, monsieur Martin ?»« Pas du tout. Tu te remplis d'une bonne sève qui éclate un peu partout. Tu es comme un pommier d'avril. » Quand la fille s'était suffisamment engluée, le beau Martin lui donnait un rendez-vous, en bas de la route, auprès des ruines du château de Duras. 3 vieilles tours à ciel ouvert, un restant de donjon, des escaliers en spirale qui conduisent dans les souterrains. Les fossés sont à sec, des arbres y ont poussé. Il y a des boudoirs de verdure dans les environs, au bord de la geôle. Un petit cours d'eau claire sur un fond sablonneux. Prince Noir habita jadis le château de Duras. Il se livra à des combats terribles entre gens bardés de fer. On parle d'un trésor enfoui que l'on a souvent cherché, vainement toujours. Plus d'une, sur la mousse ou sur l'herbe, s'est laissée choir dans le petit bois. Le petit bois tombeau de la vertu des femmes. Et les années passaient. Voilà-t-il pas qu'à 30 ans, ce donjon campagnard, ce coureur incorrigible, devint amoureux, fou d'une gamine de 15 ans qui lui rit au nez. Elle le trouvait trop vieux, et ne se gêna pas pour le lui dire. Ce fut son tour de souffrir, ce qu'il avait fait souffrir à tant d'autres. Il passait la moitié des nuits sous la fenêtre de la petite. Il la suivait par les chemins, lui disant des paroles d'amour qui la faisaient rire aux éclats. Un soir, Martin pleura. Lui qui avait repoussé Jeannette, le suppliant avec un enfant sur les bras, lui qui répondait naguère à Cadichon, la fille du garde du baron de Pichon. « Va-t'en au diable, c'est toi qui m'as poussé !» Il pleura. Et comme tous ceux qui pleurent, il alla rôder autour de l'église, et après de longues hésitations, il entra chez le curé. « J'ai fait bien du mal, dit-il. Je le comprends maintenant. Je me repens, et je voudrais commencer une vie régulière. »« Je vois ton affaire, dit le curé. Tu es amoureux de Lise Barnac, et tu voudrais l'épouser. »« Eh bien oui, monsieur le curé, soupira Martin. Je te dirai donc franchement que Lise n'est pas pour toi. Son père est au courant de tes assiduités, et il l'envoie à l'Espard, chez son oncle. C'est là qu'elle deviendra la femme de son cousin Bernard, et tout ce que tu entreprendrais ne pourrait rien empêcher. Mais tu as d'autres devoirs à remplir, que sont devenues toutes celles que tu as mises à mal. Oh, monsieur le curé, si ce n'avait pas été moi, ça en eût été un autre. C'est possible, mais rien ne le prouve. Quelle a été la première? La première, j'avais 15 ans, elle 22. Celle-là ne compte pas. La seconde, cadette Beaujean, elle est morte en service à Bordeaux. La troisième, ce fut Julie Virolade, la fille du tonnelier. Qu'est-elle devenue? Je n'en sais rien. Cherche-la. Martin alla, le chapeau à la main, trouver les parents de Julie et leur déclara qu'il était prêt à l'épouser. « Trop tard, mon garçon, répondit le père, virelade. Julie est entrée comme domestique chez un aubergiste de Libourne. Elle a su se rendre indispensable et le patron, devenu veuf, l'a épousée. » Martin revint chez le curé et lui narra l'aventure. « C'est bien, fit le curé. La quatrième. » « La quatrième, voyons donc. Ah, la quatrième, ça a été Geneviève Labourie. Elle est à Paris. Va la chercher. Il paraît qu'elle a changé de nom. Demande son nom d'emprunt et offre-lui de lui rendre l'honneur. » Martin prit un billet de troisième classe et partit pour Paris. Geneviève Labourie y était connue sous le nom de Liane de Beaugency. Elle habitait un petit hôtel dans la rue Vézelay. « Mazette, pensa Martin, elle s'est placée chez des gens riches. » Il tira le bouton de la sonnette. Un coup sec et la porte s'ouvrit. « Que voulez-vous ? » demanda un domestique que Martin prit pour un général en uniforme. « Vous ne savez donc pas lire ? » Il fallait pousser le bouton au-dessous. « Il y a écrit service. » Martin, ahuri, demanda. « Madame de Beaugency, s'il vous plaît. » Le domestique le toisa. « Vous voulez parler à madame ?»« Oui, dites-lui que c'est Martin, Martin de Blanquefort. Nous sommes pays et j'ai quelque chose à lui dire. »« C'est bien. Attendez, je vais voir. » Le valet revint après quelques instants. Une femme de chambre reçut Martin dans le corridor en lui disant « Entrez par ici. Madame s'habille, elle va venir tout à l'heure. » Martin regardait autour de lui avec stupéfaction. Il n'avait rien vu de si beau que la petite pièce dans laquelle on l'avait introduit. Des vases garnis de fleurs, des tableaux, des statuettes. Au milieu, une table recouverte d'un tapis à franges d'or, des fauteuils sur lesquels il y avait des figures brodées, des arbres, des femmes nues dans les nuages. Qu'est-ce que c'était que tout cela ? Au bout d'un quart d'heure, une draperie s'écarta au fond du petit salon, laissant entrer une jeune femme vêtue d'une robe de chambre en soie bleue. Martin la regarda, ayant d'abord peine à la reconnaître. Cependant, c'était bien Geneviève Labourie, grandie, embellie, douée d'un appétissant embonpoint. « C'est toi, Geneviève ? » s'écria Martin. La jeune femme lui jeta un regard de déesse outragée. « Vous me tutoyez ? » fit-elle avec un sifflement. « Nous n'avons pourtant pas gardé les vaches ensemble. »« Mais si, » affirma Martin, « nous les avons gardées ensemble. »« Tu es fou, où cela ?»« Eh bien, dans la lande de Pébois, et aussi dans les prés du vieux château. Tu ne te rappelles pas ? Dame, tu étais une jeunesse, et moi aussi. » Liane de Beaugency le regarda fixement. « C'est toi le beau Martin, le fils du maréchal ?»« Comme vous voyez, » fit Martin en se rengorgeant. « Que c'est drôle, » murmura la cocotte. Et elle ajouta, « Qu'est-ce que tu me veux ?»« Mon personnel est au complet, concierge, valet de pied, cocher, maître d'hôtel, et puis tu n'as pas la tournure parisienne. »« Mais, » fit observer Martin, « il n'est pas question de tout ça. »« Et alors ?»« Je suis venu réparer mes torts. » « Comprends pas. » Martin se dressa de toute sa hauteur et dit d'un ton solennel, « Je veux vous rendre l'honneur. » Liane de Beaugency se laissa tomber sur un divan et éclata de rire. Elle répétait, « Me rendre l'honneur ? » ?»« Oui, Geneviève, j'y suis décidé, » répliqua noblement Martin. Liane se tordait. « Et que veux-tu que j'en fasse ? » dit-elle. « C'est mon déshonneur qui fait ma fortune. » Martin était ébahi. « Alors, vous ne voulez pas ? » balbutia-t-il. « Je ne veux pas quoi ? Que je vous épouse ? » « Ah mais non, par exemple, quelle drôle d'idée !» Elle se roulait dans les coussins. « On va bien rire ce soir, dit-elle, quand je raconterai mon aventure. » Martin ne savait plus comment sortir. Heureusement, Liane sonna. « Faites déjeuner ce brave homme à l'office, » dit-elle à sa femme de chambre. « Bien, madame, avec une bouteille de champagne. Et quand j'aurai déjeuné, demanda Martin, quand tu auras déjeuné, tu t'en iras. Sans vous revoir, fit Martin, qui n'osait plus tutoyer Geneviève. Je l'espère bien, par exemple, dit-elle. Martin s'arrêta sur le seuil. Voulez-vous me permettre de vous demander un renseignement ? Vas-y, répondit gaiement Liane. Je voudrais savoir l'adresse de Thérèse là-bas, la petite là-bas, qui était votre amie. Ah ! Fit Madame de Beaujean aussi. Elle n'a pas eu de chance, on l'a saisie et vendue. Elle a fait des journées rue de Berlin et rue Vintimille. Tu les trouveras maintenant dans la rue Saint-Marc, entre la rue Richelieu et une place où il y avait un théâtre qui a brûlé. Tu reconnaîtras facilement la maison. Je ne me rappelle pas le numéro, mais les chiffres sont plus gros que ceux des maisons voisines. Merci bien. Est-ce que tu veux lui rendre l'honneur, celle-là aussi ? Dame, s'il y a moyen. De nouveau, Liane de Beaugency éclata de rire. Bonne chance, lui cria-t-elle. Et elle rentra dans ses appartements. Pas plus que la toilette, pas plus que la forme des chapeaux et des bottines, la médecine échappe à la mode. En cela, la médecine ne fait que suivre la maladie qui, à un moment donné, s'impose à une société tout entière, comme la valse, la polka, et enfin le cotillon. Qu'on les traite d'une façon ou d'une autre, les malades ne s'en portent ni mieux ni plus mal. La moyenne des décès reste la même, mais, comme l'a dit un de mes prédécesseurs en philosophie, c'est une grande consolation d'aider, n'ont rien à vous reprocher. Un homme doit être à la mode, qu'il soit malade ou docteur. Un docteur qui voudrait aller à l'encontre de la mode compromettrait inévitablement son salut dans l'autre monde et ses honoraires dans celui-ci. Il n'y a pas encore bien longtemps que cette foule de mots anonymes infection nerveuse. Les modes ne cessent pas entièrement ou légèrement altérer leur forme. C'est ainsi que le mot si dur de dyspepsie a été substitué à celui de vapeur. Les digestions laborieuses, les symptômes dyspeptiques devinrent la phraséologie à la mode. Les affections du foie eurent la vogue à leur tour. On entendit d'obstructions et de maladies bilieuses. Ce fut à qui tirerait la langue devant son miroir. Le foie fut admis comme une excuse valable pour la mauvaise humeur. À l'ombre de leur foie, les hommes moroses et les femmes querelleuses, qui maltraitaient leurs enfants et leurs domestiques, réussirent à se faire excuser, et même à se faire plaindre. La bile se présenta dans un moment favorable. C'était une substance visible, tandis que l'existence des nerfs avait toujours eu quelque chose d'obscur et d'équivoque. Même au temps de leur plus grande vogue, des esprits hardis avaient mis en doute la réalité de leurs effets. Mais l'existence du foie ne pouvait être contestée. Tous les médecins envoyèrent alors leurs malades passer aux eaux deux ou trois saisons. Les envies de femmes grosses ont perdu beaucoup de terrain. L'invention était cependant des plus ingénieuses. Mais tout passe. On ne s'en sert guère plus que pour les vols dans les magasins de nouveautés. Un moyen infaillible pour un médecin de se mettre à la mode, c'est de découvrir une nouvelle maladie. Celui qui l'a découverte peut seul la guérir, et personne ne la lui conteste, au moins pendant quelque temps. C'est le docteur qui fait la réputation de la maladie, et c'est la maladie qui fait la fortune du docteur. Il est vrai qu'une maladie nouvelle ne se trouve pas sous les pas d'un cheval. Aussi suffit-il de changer le nom d'une des 700 maladies connues. On est assez disposé à éternuer dans les temps chauds. Donnez un nom à cette incommodité, appelez-la par exemple fièvre de fenaison, et elle aura une vogue prodigieuse. L'habile homme, dira-t-on de l'inventeur, il est le seul qui entend de la fièvre de fenaison. Mais la mode ne s'est jamais mieux affirmée que par l'extrême division qu'elle a introduite dans les travaux de la médecine. Jadis, le barbier maniait à la fois le rasoir et la lancette. Il coupait les cheveux, rasait le menton, remettait les bras et les jambes, et appliquait les ventouses. Les chirurgiens survinrent et s'emparèrent de la meilleure partie de ses attributions. Ceux-ci ne tardèrent pas à être dépouillés à leur tour. Nous avons maintenant des oculistes, des dentistes, des oristes, des pédicures, des manicures, des orthopédistes et des masseurs. Chaque jour voit éclore une nouvelle spécialité. Il y a quelque temps, Ignotus constatait, dans un article intitulé « La grande névrose », un état d'esprit particulier à notre époque. « Voici le printemps, disait-il. La sève s'agite dans la plante humaine. C'est l'époque où la névrose, qui est le mal contemporain, apporte ses principaux troubles à nos sens. » Un grand établissement scolaire de jeunes filles a été visité dernièrement par un de nos plus célèbres médecins, appelé par la directrice. Cet établissement était mal surveillé. Il était comme ouvert à tous les bruits du dehors, à toutes les odeurs de la rue, comme disait Louis Veuillot. Peu à peu, les élèves semblèrent s'alanguir et s'étioler, comme s'il y avait eu une épidémie mystérieuse. « Épidémie de chlorose, » disait le médecin de l'établissement. « Épidémie de névrose, » déclara le grand médecin consultant. « Il faudra peut-être faire évacuer l'établissement, et les jeunes filles iront porter la contagion dans leur famille. » Quelle était la cause de cette épidémie de névrose? Était-ce la grande démoralisation précoce des élèves? Non, ces jeunes filles avaient appris, je veux bien le croire, la science de la vie avant d'avoir assez d'énergie vitale. C'est la vision brutale des nudités morales qui causait cette névrose. Le duvet de ces jeunes filles était tombé trop tôt. Elles étaient comme les petites artistes qui s'étiolent parce que leur cerveau est ébranlé par des vibrations prématurées. J'ai pu, dans ces derniers temps, constater moi-même un des phénomènes produits par un tel état d'esprit. Après 10 ans de mariage, monsieur et madame de Béryl s'aimaient comme au premier jour. Les ménages d'amoureux sont bien rares. J'en connais cependant 2 ou 3 à Paris. Monsieur de Béryl avait 35 ans, sa femme 26. Peut-être avait-il continué de s'aimer parce qu'il n'avait pas cessé d'être beau. Peut-être aussi était-ce à un bonheur constant qu'était dû le rayonnement de leur front, que n'avait jamais frôlé une pensée mauvaise. Comme si chacun d'eux s'était affirmé dans cette union complète, ils avaient 2 enfants, une fille de 9 ans et un garçon venu au monde 11 mois après sa sœur. Fils de parents jeunes, tous deux étaient sains et d'une intelligence peu commune. Aussi le docteur T, appelé tout à coup par les parents affligés, fut-il surpris de trouver le petit Georges pâle et maigre, les yeux bordés d'un cercle bleuâtre. Envoyé pour 8 jours à la campagne, à l'occasion du mariage d'une cousine, Georges était revenu dans un état maladif qui n'avait fait qu'empirer depuis cette époque. Le docteur ordonna du fer, des viandes saignantes, et prenant à part madame de Béryl, il lui conseilla de surveiller du matin au soir le petit Georges, sans qu'il s'en aperçût. La mère, vigilante, se mit à espionner son fils, tantôt par une porte entr'ouverte, tantôt par le trou de la serrure. Elle eut parfois recours à des ruses de sauvage pour ne pas perdre de vue l'enfant un seul instant. Elle vit d'abord Georges se diriger vers la chambre de sa sœur. Il ouvrit une armoire taillée dans le mur et dans laquelle on renfermait les jouets de Jeanne et les siens. Là se trouvaient un peu, pêle-mêle, 5 ou 6 poupées de différentes dimensions. Un grand polichinelle, un officier de zouave, un gymnaste à casquette blanche, sur un vélocipède qu'on montait avec une clé, puis entassés dans un coin les éclopés de la première enfance. Il y avait un pantin guillotiné, un soldat manchot, un tambour crevé, des bras cassés, des jambes de bois encore recouverte de lambeaux rouges ou bleus, bordée d'une frange d'or. un lapin à deux pattes, un petit cheval à bascule, auquel il manquait le train de derrière. La tête et le col s'appuyaient fièrement sur la poitrine, brusquement coupée par un trou béant avec une bordure de carton effilochée. Georges s'agenouilla. Il prit par le bras une poupée que sa sœur appelait Dudu, et qui, objet de soins particuliers, reposait sur un tabouret. Georges posa Dudu dans un fauteuil et s'agenouilla devant elle. Cette Dudu était vraiment une merveilleuse création. Sa chevelure blonde avait les reflets du cocon de Chine. Deux yeux d'un bleu foncé avec de longs cils noirs. Une petite bouche avec des lèvres groseilles, indice d'un tempérament vigoureux. Des bras finement modelés, des épaules adorables. Un je ne sais quoi de parisien dans toute sa personne. Telle se présentait la troublante Dudu. Georges lui prit la main et la couvrit de baisers. Puis, après avoir contemplé son idole, pendant quelques instants, il s'enhardit, et appuyant ses lèvres sur les lèvres de Dudu, il resta comme en syncope. Madame de Béryl, songeant alors au séjour que le petit Georges avait fait à la campagne, se mit à reconstituer naturellement les scènes d'amour qui avaient dû précéder le mariage de sa cousine. On ne se gêne pas devant un enfant. Et Georges avait tout vu. Le lendemain, on éloigna les domestiques. La petite Jeanne fut envoyée aux Champs-Élysées avec sa bonne. Monsieur de Béryl prit son chapeau et déclara qu'il sortait pour affaires. Madame de Béryl, à son tour, dit au petit Georges. « Mon ami, je suis obligé de te laisser seul à la maison. J'ai une visite à faire. Je compte être de retour dans une demi-heure. Sois bien sage. » « Oui, maman. » Madame de Béryl se mit aussitôt en observation. Georges alla chercher Dudu, la porta dans sa chambre, et après l'avoir déshabillée, il la coucha dans son lit et prit bientôt place à côté d'elle. Il regardait avec ravissement la jolie tête de la délicieuse petite personne, et la prenant dans ses bras, il lui disait « Dudu, je t'aime, je t'adore. » Le docteur était tenu au courant de tout ce qui se passait. « Il faut frapper un grand coup, » dit-il aux parents anxieux. Il ouvrit l'armoire aux jouets et coucha l'officier de zouave côte à côte avec Dudu sur le tabouret, dans un costume qui ne devait laisser aucun doute à l'observateur. Le lendemain matin, on entendit un grand cri dans la chambre de Jeanne. Le petit Georges avait saisi un sabre qui se trouvait dans l'armoire avec une petite giberne, et il avait troué la poitrine du malheureux officier. Le sang avait jailli de sa blessure. Quant à la coupable Dudu, sa physionomie était restée calme et sereine. Ainsi sont les femmes. Georges eut le délire toute la nuit. Une fièvre ardente le consumait. Il gardait le lit depuis 3 jours, quand Madame de Béryl eut une idée. Elle habilla la poupée en religieuse, et s'approchant du lit du petit Georges, elle lui dit « Et Dudu, à peine devenue veuve, a pris une grande résolution. Elle avait commis une faute, et elle veut l'expier. »« Ah !» soupira interrogativement Georges. « Elle entre au couvent, » continua Madame de Béryl, « et vient te faire ses adieux. La voici. » Georges se mit sur son séant. « Oui, c'était bien Dudu. » La perfide Dudu, encore jolie sous cette coiffe aux grandes ailes blanches. Elle était vêtue d'une robe de bure, et un chapelet à grains de bois enroulait sa taille. « Embrasse-la pour la dernière fois, » dit Madame de Béryl. De grosses larmes s'échappèrent des yeux de Georges, et ce fut avec un douloureux respect qu'il mit un baiser sur chaque joue de celle qu'il avait tant aimée. Quelques instants après, le bruit d'une voiture apprenait à l'enfant malade que Dudu renonçait au monde pour toujours. Georges ferma les yeux et s'endormit presque consolé, en pensant que si Dudu était perdue pour lui, elle n'appartiendrait désormais qu'à Dieu. Fantôme. L'atelier de Sorel est situé en haut de la rue de Rome, dans une maison qui longtemps fut habitée par Maxime Ducamp. une chambre élégante et confortable, bien connue des modèles, et une salle à manger à laquelle on accède par un escalier en vieux chêne, composent tout l'appartement. Les meubles achetés un à un, au hasard de flâneries intéressées, sont tous d'un choix et d'un goût exquis. Pas un panneau rapporté, pas un cuivre qui ne soit du temps. Au mur, des toiles d'amis, échanges de souvenirs, têtes de femmes, baigneuses, paysages, quelques études de Sorel, lui-même, puis des statuettes, plâtre ou bronze. Tout cela est d'une vision gaie. On peut s'imaginer que, la nuit, tout ce monde revit comme la fée des poupées, le joli ballet de l'Olympia, où les yeux de Mademoiselle Willy humilient la lumière électrique, et qu'il y a dans l'atelier de Sorel des galops de nymphes et de bouddhas, des valses de réitres et de chastes Suzanne. Trois fois par semaine, quelquefois plus, jamais moins, j'allais vers 4 heures fumer un cigare chez Sorel. Il y avait là un passage de mondain et de comédienne, comme au pavillon d'Armenonville, ou à la cascade, à l'heure du bois. Un jour, par une simple curiosité, je soulevai une draperie accrochée sous l'escalier de chêne et je ne pus retenir un cri de surprise et d'admiration, en apercevant une adorable tête de jeune fille soustraite au regard des visiteurs. Elle était blonde, ses cheveux négligemment nattés roulaient sur ses épaules. Sur son front, une couronne de fleurs, mais ce front de jeune fille était pâle plutôt que blanc. Les yeux grands, quoique demi-ouverts, avaient un regard terne et comme affaibli. Le sourire aussi était pâle, attristé. Dans cette couronne de fleurs, lilas blanc et rose mousseuse, dans ses cheveux blonds, dans cet aspect de fête, sur fond de tristesse, la pensée cherchait le motif de la souffrance, et l'adieu de Schubert soupirait sa plainte comme à travers une harpe éolienne. Voici l'instant suprême, l'instant de nos adieux. « Ah, vous avez trouvé le portrait, fit Sorel. Elle est morte, demandai-je. Oui, je la cache à tous et à moi-même, sans avoir le courage de livrer mon image au feu. L'histoire est simple. Je vis pour la première fois cette jeune fille aux Pyrénées. Elle était orpheline, confiée aux soins d'une tante. Brave femme, bonne, banale, avec des fils blancs dans les cheveux. Un de mes amis, Richard Lérieux, vous savez, fils d'un général de brigade, me présenta à ces dames. Elle, blanche, un nom banal, qui ne dit rien, me parut charmante, d'un esprit fin, délicat. Richard me dit qu'ils avaient été élevés ensemble, que depuis longtemps leur mariage était décidé. Ce fut tout pour la saison. L'hiver suivant, je les revis au bal, une fois chez Madame Lemaire, une autre fois chez le docteur Fauvel. Elle valsait avec celui qu'elle aimait, qu'elle devait épouser. Son visage, ses yeux, son sourire extatique exprimaient un de ces amours complets, impérieux, qui doivent remplir toute une vie. Il n'y avait qu'un homme pour cette jeune fille. L'avenir s'arrêtait à lui. Le général Lérieux possédait de vastes territoires en Annam. Une partie lui avait été concédée. Il avait acheté le reste. Richard fut chargé d'aller procéder à certaines installations en vue d'exploiter ses terres. Il était parti depuis 6 mois. Quand un soir, au moment où j'allais sortir, on me remit une lettre. Madame de V prit instamment Monsieur Sorel de venir tout de suite chez elle, emporter sa palette et ses pinceaux. Demain, il serait peut-être trop tard. Je pris l'attirail, tout ce qu'il faut pour peindre, et je me jetai dans un fiacre. « Entrez, monsieur, me dit Madame de V, et marchez doucement, je vous prie. Le moindre bruit lui fait tant de mal. » Elle était là, dans sa chambre de jeune fille. Un lit tout blanc, un crucifix au mur avec une branche de buis bénie. Je vis se soulever une tête d'enfant, la figure étirée par la souffrance, les joues creusées. « Monsieur, me dit-elle, je vais mourir. Mourir sans l'avoir revue. Je veux qu'il ait au moins mon image. Ne me faites pas tout à fait comme je suis. Rappelez-vous ce que j'étais. quand celui qui devait être mon mari voudra regarder encore celle qu'il aimait, qu'il me retrouve un peu comme il m'a connue. Jeanne, dit-elle à sa femme de chambre, tresse mes cheveux comme autrefois, et puis donne-moi cette couronne. Elle est semblable à celle que je portais au bal blanc où il est venu avant de partir. Et je fis le portrait, me retournant de temps en temps pour essuyer une larme. Je la vois encore si près de la mort, arrangeant devant un miroir la couronne sur son front. Son âme passait à travers sa peau. Ma main tremblait, mon ami. Elle, plus forte que moi, forte par son amour, se maintenait soulevée sur ses oreillers. Ses poignets, affaiblis, pliés, ne pouvaient plus supporter le poids de son corps, mais ses lèvres gardaient un sourire extatique. Elle mourut cette nuit-là vers l'aurore. Un an plus tard, Richard revenait de Lanham et me rendit visite. Il inspecta mon atelier en sifflotant, puis tout à coup me dit « Ah, vous savez, cette jeune fille que vous avez vue aux Pyrénées. Quelle jeune fille ? Celle que je devais épouser, Blanche. Eh bien, elle est morte. Ah, bah, oui, on m'a écrit ça là-bas. Cela ne m'a point surpris. Elle était jolie, mais un peu maigre. Aimez-vous les femmes maigres, vous ? Moi pas. » Et prenant une pipe sur la cheminée, il ajouta « Vous permettez ?» Ah, gredin ! Dire que j'allais profaner ce portrait en le lui donnant. Je cachai avec soin cette image de la pauvre mort, et de temps en temps, je soulève la tapisserie, et de deux doigts sur ma lèvre, je lui envoie un baiser qui, peut-être, va la trouver dans sa tombe. Et Sorel pleura.